Et maintenant, on va accueillir Patrice Caillé et Jérôme Poré qui sont avec nous toute la semaine qui, à 11h45. Ils seront au Festival Archipel dans la salle des Pas Perdus, juste à côté de la librairie de Vincent de Roguin. Ils ont posé une table sur laquelle se trouvent trois lecteurs vinyles, des disques et puis des objets phonographiques qui seront allés glaner aux puces de la plaine de Plainpalais. Mais peut-être que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre démarche. Bonjour. Bonjour. Et ben oui, en effet, on est là toute la semaine et la particularité de notre présence ici, puis un peu de notre nos recherches d'une manière générale, ce sont une sorte d'observation, comme c'est un champ d'observation des surfaces phonographiques. Et voilà, Jérôme a un label, il en parlera peut-être mieux que moi. Moi, pour ma part, avec quelques amis, on s'est intéressé aux disques de silence, avec Mathieu Saladin et Adam David, notamment. On a collecté aussi des disques autodidactes qui proviennent d'enregistrements amateurs de cabines. Et puis là, en effet, ce matin, là, je suis passé aux puces à côté, voilà, je suis tombé sur ce disque que, bah, du coup, j'ai pas écouté. On va le découvrir ensemble, quoi. Donc voilà, c'est un disque de. Alors, il y a Bach, Debussy, c'est une sonate. Ça vient d'un disquaire local, au Ménestrel. Je ne sais pas s'il existe toujours, mais 15 quai de Lille, je ne pense pas. Téléphone, c'est 4 96 77. Je vais le sortir de la pochette, puis on va l'écouter. Comme on peut le voir, il est vraiment altéré. Jérôme, tu peux nous dire ce que c'est, en fait, parce que c'est une sorte d'acétate, en fait. C'est, pas... c'est ça. En fait, la principale qualité de ces supports, c'est que c'est qu'ils sont fragiles, en fait. Malgré tout ce qu'on peut imaginer autour du disque, son non-altérité, en fait, si, c'est un produit qui est d'une véritable altérité, et c'est ça qui nous intéresse. Donc là, on a un support sur lequel on a une couche d'aluminium, qui est la structure, l'os, on va dire, du disque, et sur lequel on va avoir une très légère couche, souvent d'acétate. Donc l'acétate, on la connaît aussi parce que c'est ce qu'on utilisait pour les films cinématographiques et la photographie. Et en fait, le disque est un petit peu au croisement de plusieurs technologies, qui est l'horlogerie, la gravure, la photographie et le moulage. Donc c'est quand on décompose en fait les différentes étapes, on se retrouve avec ces types de fabrication et de conception. Donc, tout simplement, quand vous êtes dans un studio et que vous voulez graver un disque, c'est fort possible d'en faire un seul exemplaire. Et cet exemplaire peut tout de suite être pressé, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, en fait, vous êtes sur la première étape, qui est la gravure. Et il se trouve que le disque que Patrice a trouvé ce matin est vraiment de ce type de produit. C'est-à-dire qu'on a un objet qui a été réalisé à quelques exemplaires, certainement, donc gravé à l'unité, sur lequel on a une altération de la surface, puisqu'on a des copeaux, véritablement de l'acétate. Donc imaginez que c'est des copeaux de temps qui sont comme autant de vides sur la surface, puisque là où c'est noir, de fait, il y a l'écriture, et là où on voit l'aluminium, il n'y a plus rien. Donc on va écouter un disque qui, en même temps, va se détériorer fatalement. Et puis du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu ces espaces-temps comme ça qui nous échappent, en fait, qui étaient destinés à être gravés pour l'éternité, peut-être sur un support, et puis qui finalement, et on arrive à de nouveaux paysages sonores, des boucles intéressantes, des bribes de matière. Donc là, c'est complètement le hasard. On va voir, on va poser le bras sur la platine, puis voir ce que ça donne. Donc là, on l'a remis en 33 tours. On n'entend pas grand-chose, on a eu des bribes de texte. Remets-le au début. Si. mon avis, c'est 78. C'est ça. On va essayer de remettre le petit passage intéressant. Donc en fait, on a des fragments qui se dessinent à l'oreille. Donc à la fois totalement aléatoire et bien évidemment, bah, au fur et à mesure, on va continuer à jouer sur cette altération. On va écouter l'autre face. Moins altéré. Je vous suis, si j'ose dire. Isabelle, qui vous a permis de quitter Padoue sans mon ordre? Répondez-moi. Donc rien à voir avec Bach et Debussy. Votre jalousie, vous voulez dire? Donc on a une pièce radiophonique en fait. Il n'y a rien d'autre de marqué, non, rien du tout. Et sur le vinyle, il y a quelque chose d'inscrit ou pas du tout? Bien souvent, il y a un numéro, mais non, là, je vois aucune mention. Non. C'est fort probable des disques qui ont été réalisés donc en studio, bah, comme on est en ce moment, c'est-à-dire en studio radio, donc avec des acteurs qui ont dû jouer une pièce à une certaine heure, et en fait la pièce passait beaucoup plus tard ou était rejouée, donc du coup était gravée, et on pouvait comme ça avoir des extraits à certains moments de la journée, voire être rejoué plusieurs fois. Et certainement ça doit être lié à ça, de le fait que c'était gravé, qu'on est sur un support très fragile, parce que ça devait servir voilà, une fois, deux fois, trois fois, terminé. Quoi. Après, parce que bien évidemment ça pose aussi la question d'une économie à la fois de signature. Puisque plus vous passez un disque, plus les personnes sont censées récupérer des droits sur la diffusion. Donc le fait de produire un objet unique et seulement les voix qui sont... donc est-ce qu'ils sont payés sur le fait d'avoir interprété la pièce? Donc c'est, est-ce que c'est au moment où ils ont fait les acteurs? Ou est-ce que c'est au moment où on écoute leur voix que, voilà, donc ça pose aussi ces questions-là. C'est aussi un support qui intervient à différents endroits de l'interprétation propre. Ils existent pour ce qu'ils sont, mais des fois pas forcément dans l'économie qu'on y attend. Ce qui fait que voilà, ils se retrouvent sur des puces disparues. Voilà, c'est vraiment des disques jetables en fait, pratiquement. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment en fin de chaîne de la consommation d'un disque, enfin de l'usage d'un disque. Bien souvent, je les trouve même par terre aux puces à Montreuil, parce que du coup, ils n'ont plus aucune valeur marchande et ils sont destinés à être jetés. Quoi. Donc c'est vraiment la fin de l'objet disque en tant que support et objet de consommation finalement. Quoi. Donc ouais, donc là, effectivement, on a une petite boucle qui s'est dessinée, donc on pourrait presque écouter à l'infini le temps de son altération, ou pas. Et donc là, à la salle des pas perdus, ce que vous présentez, c'est une suite de vinyles de ce type-là, ou il y a aussi d'autres choses c'est un ensemble de nos travaux, de nos recherches. Pour moi, c'est plutôt des recherches, comme je disais, autour de silencieux, de documents trouvés, glanés, de pochettes altérées, de pochettes modifiées, de supports comme ça. Pour Jérôme, c'est aussi des artistes qui sont présents sur son label avec qui il a travaillé, qui concernent bien souvent aussi les questions de support phonographique. Et là, on va écouter du coup un autre disque du label 69. Alors là, c'est un... Ouais, en fait, le micro-label que j'ai mis en place, c'était l'idée d'utiliser le support du disque comme une surface d'exposition, dans le sens premier du terme. Voilà, qu'est-ce qu'on expose, qu'est-ce qu'on montre donc, au lieu d'avoir voilà, un espace, je dirais, Y-cube, bah là, du coup, on a une ellipse et un disque sur lequel voilà, on peut autant travailler sur l'aspect sphérique que aussi sur l'aspect... De la pochette carrée. Et donc, la principale, je dirais, il n'y a pas de genre déterminé en fait, dans le label, surtout pas. C'est surtout plutôt des gens qui ne traduisent pas en fait, des projets en tant que musiciens. Il y a beaucoup de plasticiens, d'un coup, se servent du support phonographique pour raconter une histoire. vont faire un seul objet parce qu'il y a, voilà, ils ont eu une idée, on dira, ah, c'est peut-être le disque qui peut être le meilleur moyen de proposer ou de présenter quelque chose au niveau de l'interprétation. Donc ça m'intéressait que ça se déplace à cet endroit-là. Et là, ce qu'on a sous la platine, en fait, c'est un disque pareil que, de toute façon, je n'ai jamais entendu, puisque c'était un moulage en résine d'une... comment pourrais-je dire ? C'est un travail qui a été effectué au CIRVA à Marseille, qui est un lieu, un centre d'art plutôt sur la question de pièces en verre. Et le son qui a été donc moulé est le son du four de fusion qui sert pour le verre, parce que j'ai remarqué cette présence permanente de la fusion, donc du bruit du gaz brûlé dans cet espace. Et donc j'ai commencé à récupérer les scories, c'est-à-dire qu'en fait il y a deux temporalités. C'est là, quand les fours sont arrêtés, ils sont arrêtés qu'une seule fois dans l'année, mais pendant plusieurs mois, parce que c'est très très long à mettre en chauffe et c'est très très long à descendre en température. Donc en fait, je suis venu à deux moments, en fin et en début de saison, on va dire. Donc j'ai récupéré les scories en fait, de matière type mâche-fer, qui sont plutôt considérées comme une matière qui est totalement... on ne peut pas la recycler, tellement elle est totalement appauvrie. Donc ça me plaisait assez bien de la mettre en fusion. Et donc c'est ce bruit de fusion en fait, qui est apparu. Et aussi par la récupération des derniers bouts de scories de ce mâche-fer. Donc normalement, on va voir, dans la surface, il y a les scories à l'intérieur du disque, et on a en moulage le bruit de la fusion du four. Oui, effectivement. Donc en fait, ouais, c'est ça. On a le moulage à l'envers du son, puisque de fait c'était un moulage qui a été fait, donc en fait on a alterné avec la résine. Donc en fait c'est le moulage d'un disque, donc c'est une empreinte. Il est légèrement sur le début. Donc ça, après, j'en ai fait des acétates véritablement pour être diffusé un peu comme bon me semble, c'est-à-dire que ça pouvait être sous forme d'une pièce sonore, d'une diffusion type mix ou installation. Mais ces objets existent à part entière et on peut les regarder avec tout ce qu'on peut interpréter par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur même de la résine. Merci beaucoup.